Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 59. De l'injustice. Ce qui constitue l'injustice, subit-on une injustice en la voulant? L'injustice est-elle un péché mortel? 1. L'injustice est-elle un vice particulier? L'injustice illégale, vice spécial qui a pour objet le mépris du bien commun, est un vice général, dans le sens que le mépris du bien public peut servir d'acheminement vers toutes sortes de péchés. L'injustice qui consiste dans une certaine disproportion entre soi et une autre personne, comme lorsque l'on veut avoir une part trop grande dans les biens et une part trop faible dans les travaux, est un vice particulier, opposé à la justice particulière. 2. Celui qui fait une injustice mérite-t-il toujours le nom de main juste? On ne mérite pas ce nom lorsque, sans intention, par ignorance et dans la bonne foi, on fait un acte injuste que l'on ne croit pas tel, il n'y a point, dans ce cas, d'injustice formelle. On ne le mérite pas quand on commet une injustice par colère ou par concupiscence, l'habitude de l'injustice n'étant pas le principe de cet acte. Mais quiconque fait une injustice avec intention, de propos délibéré, le mérite incontestablement, car une telle manière d'agir ne peut venir que de l'habitude même de l'injustice. 3. Peut-on subir une injustice en la voulant? On est formellement passif d'une injustice qu'en ne la voulant pas. L'homme qui veut ce qu'il souffre est lui-même principe de ses souffrances, et, comme tel, il est agent plutôt que patient. Cependant, d'une manière indirecte et matérielle, on peut subir volontairement une chose injuste en elle-même, par exemple, en donnant à quelqu'un plus qu'on ne lui doit. 4. L'injustice est-elle un péché mortel? Commettre une injustice, c'est violer un précepte de la loi de Dieu par une action qui revient au vol, à l'adultère, à l'homicide, ou à quelque autre crime semblable. Donc quiconque commet une injustice pèche mortellement, et, en effet, causer du dommage au prochain est un acte contraire à la charité, qui nous porte à lui vouloir du bien. L'injustice consistant toujours à nuire au prochain, il est clair qu'elle est de sa nature un péché grave. Note. Est-ce à dire que tout homme qui blesse la justice commet un péché mortel? Non. Faire une injustice en matière légère, prendre un fruit, par exemple, ou quelque autre chose de peu de valeur, est une action qui ne réunit pas tous les caractères de l'injustice proprement dite, parce qu'il est vraisemblable que le maître n'en sera ni lésé, ni offensé. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.